À ce nom, Frédéric revit la petite Louise, sa maison, sa chambre. Il se rappela d'une nuit pareille, où il restait à sa fenêtre, écoutant les rouliers qui passaient. Ce souvenir de ses tristesses amena la pensée de Mme Arnoux, et il se taisait, tout en continuant à marcher sur la terrasse. Les croisées dressaient au milieu des ténèbres de longues plaques rouges. Le bruit du bal s'affaiblissait. Les voitures commençaient à s'en aller. « Pourquoi donc ?» reprit M. d'Ambreuse. « Tenez-vous au Conseil d'État. » Et il affirma, d'un ton de libéral, que les fonctions publiques ne menaient à rien. Il en savait quelque chose. Les affaires valaient mieux. Frédéric objecta la difficulté de les apprendre. « Ah bah, en peu de temps, je vous y mettrai. » Voulait-il l'associer à ses entreprises? Le jeune homme aperçut, comme dans un éclair, une immense fortune qui allait venir. « Rentrons, » dit le banquier. « Vous soupez avec nous, n'est-ce pas ?» Il était 3 heures, on partait. Dans la salle à manger, une table servie attendait les intimes. M. d'Ambreuse aperçut Martinon et, s'approchant de sa femme, d'une voix basse, « C'est vous qui l'avez invité ?» Elle répliqua sèchement, « Mais oui !» La nièce n'était pas là. On but très bien, on rit très haut, et des plaisanteries hasardeuses ne choquèrent point, tous éprouvant cet allègement qui suit les contraintes un peu longues. Seul, Martinon se montra sérieux. Il refusa de boire du vin de champagne, par bon genre, souple d'ailleurs et fort poli, car M. d'Ambreuse, qui avait la poitrine étroite, se plaignant d'oppression, il s'informa de sa santé à plusieurs reprises. Puis, il dirigeait ses yeux bleuâtres du côté de Mme d'Ambreuse. Elle interpella Frédéric pour savoir quelle jeune personne lui avait plu. Il n'en avait remarqué aucune, et préférait, d'ailleurs, les femmes de 30 ans. « Ce n'est peut-être pas bête, » répondit-elle. Puis, comme on mettait les pelisses et les paletots, M. d'Ambreuse lui dit « Venez me voir un de ces matins, nous causerons. » Martinon, au bas de l'escalier, alluma un cigare, et il offrait, en le suçant, un profil tellement lourd que son compagnon lâcha cette phrase. « Tu en as une bonne tête, ma parole. »« Elle en a fait tourner quelques-unes, » reprit le jeune magistrat, d'un air à la fois convaincu et vexé.